Nous sommes le mardi 30 janvier 2018 et c'est l'heure de se faire dorloter les esgourdes par votre podcast quotidien préféré. Bienvenue à toutes et tous dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo, la revue de presse JV. Moi c'est Bruno Roca et durant 15-20 minutes, on va causer gaming, on va causer jeux vidéo. Oh oui que c'est beau! Bien sûr, dans la bonne humeur et toujours dans le respect de la personne humaine. Allez, c'est parti! C'est un énorme carton pour Monster Hunter World qui est sorti là le 26, il n'y a pas si longtemps que cela. Le jeu cartonne et donc on a appris via le compte Twitter de Monsieur Oscar Le Maire, le Mister Chiffre de GameCult, entre autres. Il nous dit sur son Twitter donc que Capcom a annoncé avoir écoulé 5 millions de Monster Hunter World dans le monde en 3 jours. Donc ça comprend la distribution plus le démat, c'est-à-dire que, attention, ce ne sont pas les exemplaires vendus mais distribués, mais ça reste quand même énorme. Ce qui fait, nous dit Oscar Le Maire, de Monster Hunter World, déjà l'épisode le plus vendu de la série et la quatrième meilleure vente de l'histoire de Capcom, derrière Street Fighter 2, Resident Evil 6 et Resident Evil 5. L'idée qu'ils prennent à terme la première place, nous dit-il, n'est pas absurde. Donc, ce sera à suivre dans les jours qui viennent. Mais c'est un énorme carton donc pour Monster Hunter World, sachant que cet épisode avait pour vocation effectivement de s'ouvrir vraiment sur le monde, d'où son nom, et de rallier à sa cause le plus de joueurs possible. Bon, bah ça semble bien parti effectivement. Quel début d'année, mes amis, quel début d'année. Donc, je vous tiendrai au courant bien sûr de l'évolution de ce carton d'ores et déjà acquis. Le monde de l'e-sport tente de se projeter en 2027. C'est ce que nous dit William Oduro sur lemonde.fr dans la rubrique Pixel. Il nous dit notamment « Comment imaginer le futur quand l'année 2017 à elle seule a déjà dépassé et remis en question tout ce que les professionnels de compétition de jeux vidéo croyaient savoir ? C'est l'exercice périlleux auquel se sont livrés des experts du secteur vendredi 24 janvier à l'Hôtel de Ville de Paris lors du second Dojo e-sport, une journée de conférence sur ce monde en pleine ébullition. » L'article nous explique que de fait, entre des hausses spectaculaires des dotations, l'arrivée de nouveaux sponsors venus de la société civile, l'éruption en nombre de différents clubs sportifs, des jeux phénomènes à ne plus savoir qu'en faire, comme PUBG ou Fortnite, des multiples fédérations nationales qui se forment ici et là, et des vifs débats aussi sur les Jeux Olympiques, les 12 derniers mois ont été particulièrement intenses pour l'e-sport. 2017 était une année faste, peut-être la plus prolifique jamais vue, résume Olivier Morin, présentateur du canal e-sport Club sur Canal+, et organisateur donc de ces journées. William Oduro nous dit que les pistes de développement pour l'avenir ne manquent pas et de grandes lignes peuvent être déjà dessinées. Les spectateurs de 2027 seront broadcast natives. Ils auront grandi avec Twitch et la diffusion de parties en direct, auront accès à d'innombrables outils pour développer eux-mêmes rapidement des jeux en 3D massivement multijoueurs. Et le computer learning aura révolutionné l'approche du jeu vidéo, prédisent les membres du panel. Les progrès de la technologie permettront aussi aux manager d'équipe de suivre en temps réel les 5 écrans de leur équipe, un besoin suffisamment pressant pour que des entreprises s'y attellent rapidement, explique Shones, par ailleurs ambassadeur Orange et Shadow, un concept d'ordinateur dématérialisé. L'e-sport du futur, donc, pourrait ne pas avoir grand-chose à voir avec les interfaces qu'on connaît, et notamment le combo clavier-souris, si prisé des professionnels actuels. Les périphériques de biométrie et l'internet des objets vont considérablement changer la manière de jouer, anticipe Mathieu Dallon, vétéran du secteur et conseiller au board de Webedia, société propriétaire de l'équipe Millennium. À moins que la surprise, nous dit l'article, ne vienne de l'explosion de compétition sur jeux mobiles, actuel parent pauvre des tournois en dépit de la popularité de Clash Royale. Alors, quelle discipline phare pour 2027, se demande William Oduro, après une année 2017 qui a vu l'explosion surprise des jeux de Battle Royale sur la scène compétitive, personne ne s'aventure à miser sur un genre. En revanche, son positionnement devrait être grand public. Donc, en fin de ce papier, William Oduro nous dit que le monde monde des compétitions du jeu vidéo a besoin d'histoire et de visage. Comme le football a les siens avec Messi et Ronaldo. Alors apparemment, il y a quand même des personnalités qui émergent, qui commencent à avoir quand même une sacrée influence sur les audiences et qui brassent derrière eux toute une tripotée de fans. Mais beaucoup reste encore à faire et nul doute, j'imagine que les prochaines années seront l'occasion pour de véritables stars d'émerger. En tout cas, c'est vraiment un dossier très complet, passionnant sur lemonde.fr. Que vous ayez des affinités ou non avec l'univers de l'e-sport, cet article est à lire d'urgence donc sur lemonde.fr. Ça bouge du côté de Gen Design, le studio de Fumito Ueda, le papa de la trilogie ICO. Et donc un visuel avec ce qui semblerait être une sorte de géant qui regarde une jeune fille qui ressemblerait à s'y méprendre à Yorda de ICO justement. Et donc ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian qui ont marqué énormément de monde. C'est des jeux qui ont des détracteurs aussi, mais on ne peut nier la démarche d'auteur et le talent de monsieur Fumito Ueda et de ses équipes, bien sûr. Et donc, je vous ai. Donc, on attend, vous savez qu'on attend le remake de Shadow of the Colossus. D'ailleurs, des vidéos commencent à popper un petit peu de partout sur internet pour vous les présenter. J'ai vu qu'Atomium, qui est un youtubeur que j'aime particulièrement, je vous en avais déjà parlé dans cette émission, a fait une vidéo sur le sujet. Je ne l'ai pas encore vue, mais vous savez, le temps me manque, mais je vais faire en sorte de la regarder dès que possible. En tout cas, voilà, c'est attendu. Et le magazine anglais Game Master, le numéro donc, de février 2018, le tout dernier, tout chaud, tout beau, revient en fait sur la team ICO, sur Fumito Ueda, sur Shadow of the Colossus, et je vous ai traduit quelques petits passages de cet article que j'ai beaucoup apprécié, signé Sam Greer. Donc notamment ces passages sur Shadow of the Colossus, où il nous dit que des ruines énormes, imposantes mais délabrées, des régions sauvages laissées intactes depuis des siècles, des créatures en fourrure et en pierre, ce sont les marques de fabrique de ces jeux aux connexions floues de la trilogie Ueda. Un monde sans nom, des lieux antiques où la magie rôde dans l'ombre. Chaque retour à ces jeux évoque les mêmes sentiments, isolement, émerveillement, admiration. C'est un sentiment qui attend d'être réveillé pour tout un nouveau public lorsque le remake de Shadow of the Colossus sortira le 7 février prochain. Et oui, ça approche, ça approche. Il y a trop de jeux, il y a vraiment trop de jeux. Je ne sais plus comment on va faire. Bref, ce cher Sam nous dit également qu'il y a une qualité intemporelle dans la direction artistique des jeux de la Team ICO, illustré donc par le prochain remake de Shadow of the Colossus. Ce n'est pas parce qu'il améliore grandement les graphismes qu'on perd finalement l'esprit du jeu original. Cette refonte ressemble plus à un polissage plein d'amour, un polissage affectueux, qu'à une refonte totale finalement du jeu. C'est pourquoi, nous dit-il, bien qu'il soit séparé de plusieurs années, environ une décennie, dans le cas de Shadow of the Colossus et de The Last Guardian, tous les jeux du studio restent connectés entre eux. De nombreux autres jeux perdent leur identité au fur et à mesure que la technologie progresse. Mais ce n'est pas le cas de la série ICO, qui s'en tient à un ensemble de principes extrêmement bien pensés. Ces jeux, nous dit-il, font preuve d'un tel dévouement à la création qui surpasse tant de leur père que c'en est étourdissant. Cela a un prix, bien sûr, beaucoup de joueurs critiquent les contrôles parfois imprécis, mais c'est toujours aussi inspirant de voir des jeux qui s'efforcent d'être intéressants et pas seulement une version plus sophistiquée de quelque chose qui cartonne à côté ou qu'on a vu des dizaines de fois. Avec le remake de Shadow of the Colossus, il serait peut-être temps qu'un tout nouveau public se perde dans le monde si particulier créé par la team ICO. J'ai trouvé ce texte très joli, alors c'est juste un extrait, alors que j'ai traduit avec mes compétences, que j'estime à peu près correctes en anglais. Mais voilà, j'ai trouvé ce papier très beau. Donc, si vous pouvez vous retourner vers une librairie qui fait de l'import, je vous conseille ce numéro de Game Master, qui a notamment aussi un très beau dossier sur les jeux Mario, vraiment un dossier très sympa. Et si vous aimez l'univers de Fumito Ueda, je vous renvoie au livre de Third Edition, dont j'ai déjà parlé dans cette émission il y a quelques mois de cela. Un livre signé Damien Méchéri qui est passionnant sur l'univers de Fumito Ueda. Donc ça, je vous renvoie tout de suite sur le site de Third Edition. En tout cas, est-ce que vous attendez ce remake? Moi, j'ai l'impression qu'après quelques petites appréhensions, même de la part des fans les plus hardcore de Shadow of the Colossus, j'ai l'impression que ce remake semble plutôt bien accueilli et respecter l'esprit vraiment du jeu original. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, si cela peut faire découvrir l'un des jeux les plus influents vraiment de ces dernières années à un tout nouveau public, et permettre à ceux qui l'aimaient déjà de le redécouvrir dans d'autres conditions, ce qui sera mon cas, et ben écoutez, j'ai envie de dire, c'est bénef pour tout le monde. Epic Games abandonne officiellement Paragon et rembourse tous les joueurs. C'est Jarod qui nous dit ça sur GameCult. Il nous explique que annoncé en novembre 2015 sur PC, puis le mois suivant sur PlayStation 4, en clôture de la conférence PlayStation Experience, Paragon fermera finalement ses portes le 26 avril 2018. Certes, nous dit Jarod, on sentait déjà une odeur de soufre planer sur le MOBA depuis qu'Epic Games avait exprimé ouvertement ses inquiétudes quant au futur du jeu dans un contexte où l'énorme succès de Fortnite Battle Royale accapare aussi bien l'attention des joueurs que celle des développeurs. Mais cette fermeture n'en reste pas moins un petit choc compte tenu des efforts déployés par Epic Games pour alimenter son jeu en héros. Paragon a fini avec 36 personnages jouables, nous dit-on, au lieu des 13 au départ. Et pour lui offrir des équilibrages majeurs, notamment avec la mise à jour du 6 décembre 2016 qui a fait basculer le jeu dans une action beaucoup plus nerveuse. Aujourd'hui, il n'est même plus possible de consulter l'historique de cette évolution sur le site officiel du jeu, qui redirige automatiquement sur la page du communiqué de fermeture. Et donc, Epic Games a déclaré, « Après de longues réflexions et de nombreux débats difficiles en interne, nous pensons qu'il n'y a pas de réelle solution pour permettre à Paragon de devenir un MOBA capable d'intéresser suffisamment de joueurs pour être viable. Ce remboursement, nous dit le communiqué un peu plus loin, viendra directement d'Epic et non du gestionnaire de votre plateforme. » Alors l'entreprise ajoute que si les serveurs de Paragon resteront ouverts jusqu'au 26 avril 2018, les temps d'attente et la qualité du matchmaking se dégraderont encore davantage à mesure que les derniers fidèles plient bagage. Paragon avait fait ses débuts, nous rappelle-t-on, le 18 mars 2016 en accès anticipé, puis le 16 août de la même année en bêta ouverte. Alors, est-ce que le style MOBA déjà vous parle? Est-ce que vous étiez sur celui-ci? Bon, visiblement, vous deviez pas être très nombreux. Ça reste toujours triste pour toute l'équipe derrière qui s'est défoncée. Mais que voulez-vous? La vie est ainsi faite. Facebook ambitionne de concurrencer Twitch et YouTube dans le jeu vidéo. C'est le site Presse Citron qui nous rapporte ça. Il nous dit que Facebook veut devenir le leader incontesté de la vidéo en ligne et ce n'est pas seulement via les séries comme celles diffusées sur la plateforme Watch que le numéro 1 des réseaux sociaux compte devancer ses concurrents. En effet, Facebook souhaite également marcher sur les plates-bandes de Twitch et YouTube dans la diffusion de parties de jeux vidéo en direct. Afin d'attirer les gamers, nous dit Presse Citron, le numéro 1 des réseaux sociaux a ainsi lancé un programme pilote dédié aux influenceurs dans le jeu vidéo. Via ce programme, Facebook veut aider les créateurs à mieux utiliser ces plateformes, mais aussi à générer des revenus grâce à leurs activités. Dans le cadre de ce pilote, Facebook a embarqué quelques live streamers comme Stone Mountain 64, qui est déjà suivi par 1 million de fans sur le réseau social. Alors, personnellement, je ne le connais pas, mais vous me direz si vous suivez ce monsieur. Pour le moment, on ne connaît pas tous les avantages qu'auront les joueurs qui accèdent à ce programme lancé par Facebook, mais dans un billet, le célèbre réseau social évoque la possibilité de faire du live streaming, tenez-vous bien, en 1080p et en 60 fps, ce qui garantit des diffusions en direct du plus bel effet, je l'imagine. Mais il y a aussi la possibilité de gagner de l'argent pour les streamers via un petit bouton qui permet de faire des dons. Le programme donc semble aussi s'aligner sur la nouvelle politique de Facebook qui veut que le temps passé sur les réseaux sociaux soit, je cite, « bien utilisé » et qui décourage donc l'utilisation passive. D'après Facebook, les vidéos de jeux vidéo, les streams, donc je cite toujours, ont changé la façon dont les gens se réunissent autour de la vidéo et cela donne aux créateurs gaming la chance de construire et de se connecter à leur communauté en temps réel. Donc ça bouge pas mal du côté de Facebook en ce moment. La guerre du streaming, la guerre autour du jeu vidéo n'est pas prête de se terminer. Je ne sais pas si Facebook a vraiment une chance de faire son trou là-dedans, mais enfin sa force de frappe est tellement monumentale que... tout est possible. C'est ainsi que se termine cette émission, cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que l'émission est présente sur iTunes, Deezer, PodCloud, YouTube, bref, partout. J'ai fait un petit appel hier sur les réseaux sociaux. Je trouverais rigolo que les auditeurs fassent eux-mêmes la pub sur les portails disponibles, hein, là où on peut aller récupérer ou écouter l'émission. Je pense que ça pourrait être marrant, hein, que vous preniez votre plus beau micro en disant « Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy, ça rase ça. » Voilà, si vous dites ça dans votre micro, vous m'envoyez tout ça, ping, sur revuedepressejv@gmail.com, revuedepressejv@gmail.com, donc sur l'adresse mail officielle de l'émission. Et comme ça, chaque matin, bah, je peux passer des messages d'auditeurs, comme ça, je trouve ça beaucoup plus fun, plutôt que de m'entendre à chaque fois répéter ad nauseam les portails, les adresses disponibles. J'essaye en ce moment de rendre cette partie de l'émission, celle que vous entendez là en ce moment, de la rendre un peu moins redondante, puisqu'il y a quand même des informations importantes à donner pour ceux qui découvrent l'émission. J'aimerais vous délivrer ça de manière un peu plus fun, et j'ai envie de vous faire participer. Alors, si ça ne vous intéresse pas, que vous le sentez pas, c'est pas grave. Au tout début de la revue de presse JV, au tout début de son existence, je vous avais demandé aussi de m'envoyer vos petites critiques de magazines, de sites, etc. Ou vos impressions même sur l'émission via des petits messages audio, hein, pas très longs, hein, quelques secondes suffisent, que je puisse les diffuser sur l'émission. J'en avais pas reçu énormément et pas assez en tout cas pour que ça devienne régulier. N'hésitez pas, je veux vraiment que ce podcast interagissent énormément avec son audience. C'est l'un des avantages, hein, de cette merveilleuse époque, voyez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer cette petite phrase sur le compte mail de l'émission. Et bah, il est temps de vous souhaiter une très bonne journée. Bon courage, quelle que soit la tâche, hein, qui vous attend. Et je vous dis à demain. Demain, n'oubliez pas, c'est mercredi, avec la rubrique 100% Japon, les dernières news toutes fraîches pêchées du matin, bref, que du bonheur. Je vous dis bye bye et à demain.